Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. 네 캐나라 원보 카시 뜬기 캐랑기 네 강치 라비아디 낭로낭 네 캐나라 원보 카시 뜬기 캐랑기 네 강치 라비아디 낭로낭 prenez 렌탕 렌탕 Donnez-moi les lunettes. Ngala mixiti nangtang. Ngala mixiti nangtang. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Nyugudi iko gangla shartang. Nyugudi iko gangla shartang. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Kayudi kabulongne chimzi di lentang. Kayudi kabulongne chimzi di lentang.